barre, comme une bagarre en barre, comme un motard qui mangera la rambarde. Ça me fait pas marrer comme passer à la barre. Pensez à la guerre, pensez au prochain attentat. En ta gare, en ta gare, en ta gare, en ta gare. Fais pas marrer comme une castagne en boîte, comme un castal en bois, comme voir un comico qui s'installe en bas. Ça me fait pas marrer de faire le canard devant un poulet, être au placard et apprendre qu'elle fait la patarde à recouler. Ça me fait pas marrer comme voir un condé sur scène de jambes, un père qui constate qu'il a plus de jambes, qu'elle suspecte des gens. De voir qu'une femme jouisse d'un clébard en russe, la voir entourée de trois bites et chialer tout en parlant russe. Ça me fait pas marrer, esquiver le regard du charclos, esquiver pas vu Sarko, son plan vipère escargot. Ça me fait pas marrer, les voir perdre leurs parents dans un raz-de-marée, et les touristes sur la plage buvant leur bière disant c'est mal barré. Ça me fait pas rire, le cri du baril, savoir qu'on a aucune chance, qu'ils ont déjà pris les paris. Ça me fait pas marrer, sans fil dans Paris qui se marie. Tu crois que t'épouses la reine, t'épouses une torse avec Sinari. Est-ce que j'ai la gagne avec un type qui se marre, ou t'as vu le smile. Comme si pour eux s'approcher, me disait la lame c'est Gizmar. Si je me marre mec, non, non, une deux, permets-moi de la remettre. Ça fait un bail que je suis là, et ça me fait pas marrer de l'admettre. Et le pire c'est pas mourir avec un tas de calmants. C'est dans la chambre, dans le gémir et dans le salon, de trouver des casques allemands. Ça me fait pas marrer, c'est mort. Quand on demande à une daronne de me sauver, que l'un de ses mômes, c'est mort. Ça me fait pas marrer comme un grand chien de lever dans l'incendie, être l'ancien, donc le dernier à pouvoir être sauvé. Là, ta petite tête, veux que je te dise dans quelle tripté. Quand ta seule part de plaisir devient canal plus encrypté. Veux que je te dise qui me fait pas rire, l'indice de White Barry. L'indice qui va faire que tu prends 10 piges et que tu t'es loin et t'arrives. Ça me fait pas marrer comme voir les joues de Jackson. On part en bain sans la soirée, pour deux coups de klaxon. Ça me fait pas rire là, y'a plus rien à mettre dans la rise là. Quand après les meutes, les médias s'en prêtent à l'islam. Ça me fait pas marrer comme un 20h avec PPDA. Constaté pour faire de la terre un enfer, le peuple idéal. Si tu crois que je me marre là, c'est que j'ai un drôle de rire. Quand une famille pour vivre par moi, juste un bol de riz. Ça me fait pas marrer d'être le voisin du gagnant de la loterie. Tu peux pas mélanger riche et mendiant à l'ordrie. Ça me fait pas marrer comme cette pétasse enceinte qui me fait croire que je suis le père du gosse, alors que c'est ce pote qui me disait t'as besoin enceinte. Tu crois que je rigole de pas voir mes rêves s'exaucer. Voir dans les yeux d'un flic la haine avant de me faire désosser. C'est pas marrant comme des vacances à lave l'année. Devant la patate arriver, sentir qu'elle t'enlève le nez. Ça me fait pas marrer comme une de bastard, comme une bombe blonde qui veut plus de l'ascar, mais d'un gros code des bastards. Ça me fait pas marrer de les entendre dire tu t'en sortiras pas. Vous êtes 11 à vous être fait sauter, tu restes, les 10 repartent. Tu vas parler, dis le flic méchant accompagné du tendre. Mais s'il savait qu'en méchant les bolichons gagneraient du temps. Ça me fait pas marrer de voir d'autres PD qui s'enculent, serrer la patte d'un condé et avoir la main qui s'encule. Tout ça sur un son de Britney, j'arrête là c'est grave à Britney. Marmot c'est le roux devient vulgaire et crasse. Que je me marre là quand j'imagine ça recommander sur Carla. Un macro qui répandrait les tripes de sa pute sur le carrelage. Qu'on m'oblige à sortir avec un sosie à l'âme, t'emportant les bottes et la coupe sortie à Francis Lalanne. Ça me fait pas marrer sur la bande assistée à l'hospice. Tremper mon gland, c'est chien et repartir avec la chaude pisse. C'est pas marrant, comme le coup de tête assise où je m'excuse. J'aurais préféré qu'il pète toutes tes dents plutôt que le plexus. Ça me fait pas marrer d'avoir le choix entre une chante tectonique, passer le reste de ma vie à danser sur de la tectonique. Avoir le choix entre la barque et la Gestapo. Dans les deux cas, quatre, tu manges des claques et tu laisses la peau. Ça me fait pas marrer de me taper contre un gold d'or dans civil. N'avoir que la taille à passe-partout et la gauche à civil. Ça me fait pas marrer en vrai, savoir que ce CD que t'écoutes ne se vendra jamais, même moi et en vrai. Ça me fait pas marrer, c'est ça. BARBA, RUSSA.